Bonjour à tous, bienvenue à ce journal de ce 5 décembre avec ses grandes articulations. Le facilitateur dans le dialogue inter-burundais dit être choqué par l'annonce tenue d'une plénière entre les participants à ce dialogue pour discuter du nœud du problème burundais. Notre reporter avant nous en dire plus. La ministre de la Justice informe que plus de 5000 prisonniers ont déjà bénéficié de la grâce présidentielle, mais elle ajoute que d'autres prisonniers vont continuer à être libérés en se référant à la nature de leurs infractions. Le montant des exonérations vont augmenter l'année prochaine. C'est du moins ce qui transparaît dans le projet de budget de l'État exercice 2018. Mais la Cour des comptes a relevé des irrégularités pour ces exonérations. Et la chronique santé d'aujourd'hui va nous parler de la deuxième partie portant sur le goitre. Les manettes sont tenues par Séraphine Hakizimana. À la présentation de ce journal, Alida Ndaikeza. Bienvenue encore et ouvrons ce journal par la page Justice. Le ministère de la Justice continue de mettre en application la mesure de grâce présidentielle prise en début de cette année. Le ministre Laurentine Kanyana précise que cette mesure a touché plus de 5000 prisonniers à travers le pays, mais elle signale que tous les bénéficiaires n'ont pas immédiatement été libérés compte tenu de la nature des infractions à charge des condamnés. Laurentine Kanyana indique que les libérations se poursuivent progressivement. Suivez-la au micro d'Oban Yanguru. Elle a dit lors du lancement du guide des usagers de la justice à la prison de Mimba ce lundi. La mise en application de la mesure de grâce présidentielle a été faite d'une façon salutaire. C'est la première fois qu'on a pu avoir un nombre d'au moins 5000 prisonniers, si on considère toutes les prisons du pays, qui ont pu bénéficier de cette mesure. Mais compte tenu de la nature de l'infraction, de la peine qui a été infligée à chaque prisonnier, il y a des prisonniers pour qui la mesure est mise en application progressivement. Ce qui fait que même aujourd'hui, il y a des prisonniers qui rentrent dans le cadre de cette mesure. Le rédacteur en chef à la radio Numbero FM s'inscrit en faux contre la mesure du Conseil national de la communication de suspendre ce médium pendant une période de 6 mois. Thierry Irambona estime que le CNC pouvait aider à trouver solution au problème de la radio sans recourir à la suspension. Suivez Thierry Irambona. Nous, comme personnel de la radio Numbero FM, nous avons accueilli cette mesure en toute grande surprise, une mesure aussi choquante parce que pesant au personnel de la radio Numbero FM, que nous considérons comme injuste parce que 6 mois de suspension, c'est beaucoup pour le personnel qui était au travail mais qui allait actuellement dans la rue parce qu'il manque d'emploi, manque d'occupation. Nous, ce que nous allons faire, nous avons commencé à le faire bien avant, même avant que la radio ne mettait plus. Le personnel avait toujours porté la connaissance des CNC de la situation qui régnait. Nous avons toujours attendu et actuellement nous attendons encore la solution qui va à l'intérêt du personnel. Nous, en tant que personnel, nous ne savons pas exactement le problème est client parce que travailler toujours au travail et ne pas décider à la radio. Il y a les responsables des médiums qui sont toujours là à la place de la radio. S'il y a des problèmes personnels, ils constatent au niveau de la gestion, au niveau du fonctionnement. Le CNC accuse la radio Numbero FM du non-respect du cahier des charges. Plus de 160 000 enfants âgés de 6 mois à 5 ans vont bénéficier de l'albendazole contre les verminoses au cours de la campagne Santé Mère-Enfant qui a débuté ce mardi dans la province de Bubanza. Plus de 10 000 femmes enceintes auront la vitamine A et l'albendazole. Correspondance de Space Caritas, Kawanyana. 161 472 enfants de 6 mois à 5 ans ont commencé ce mardi à bénéficier de l'albendazole et de la vitamine A au cours de la campagne Santé Mère-Enfant qui a commencé ce mardi dans la province de Bubanza. Les femmes enceintes de 4 mois et plus au nombre de 13 541 vont également avoir de l'albendazole contre les vers intestinaux ainsi que la vitamine A selon les rapports disponibles au district sanitaire de Bubanza aussi. Les enfants âgés d'une année et demie à 2 ans seront, au cours de cette semaine, vaccinés contre la rougeole et la rubéole. À côté de ces médicaments et de ces vaccins, Il est également prévu une sensibilisation envers toute la population à propos de l'hygiène des mains et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette activité se déroule sur différentes écoles fondamentales et sur des collines qui ont été bien ciblées par les responsables sanitaires. Docteur Joël Wigirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza, appelle tous les parents et tous les enfants à répondre présents à cette campagne qui a débuté ce mardi et qui va durer toute la semaine. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue sur la radio Isanganiro, page économie. Le projet de budget de l'État exercice 2018 prévoit de nouvelles taxes, notamment l'augmentation de la taxe de la consommation de la bière, limonade et eau minérale à hauteur de plus de 80 milliards de francs-bou. Dans un communiqué, dans un rapport des commentaires de la Cour des comptes sur ce projet de loi, les exonérations sont restées de l'ordre de 18 milliards, mais la Cour a relevé une irrégularité. Mireille Kanyangé dans les studios pour revenir sur ce rapport commentaire. Oui, effectivement, Alida, l'irrégularité constatée par la Cour des comptes, comme ce rapport le montre, est que les exonérations jusqu'au 30 septembre 2017 affichaient un montant de plus de 111 milliards de francs burundais, alors que les prévisions de ces exonérations sont de l'ordre de 18 milliards. Les ressources du budget général de l'État exercice 2018, comme le montre ce rapport commentaire de la Cour des comptes, proviendront des recettes fiscales pour un montant de plus de 745 milliards de francs bou. Les recettes non fiscales sont estimées à plus de 61 milliards de francs burundais. Les recettes exceptionnelles sont de l'ordre de plus de 44 milliards. Les produits financiers donneront un montant de plus de 10 millions de francs burundais, alors que les dons sont estimés à plus de 372 milliards. Milliards de francs burundais. Le projet de budget de l'État exercice 2018 prévoit également de nouvelles taxes. C'est la taxe anti-pollution sur les véhicules usagés de plus de 10 ans et donnera plus d'1,6 milliard de francs burundais. Les prévisions sur l'impôt locatif sont estimées à plus d'1,3 milliard de francs burundais. La taxe de consommation sur carburant donnera plus de 23,4 milliards. L'augmentation de la taxe de consommation sur la bière, limonade et eau minérale est de plus de 90 milliards de francs burundais, alors que la taxe à l'exportation des peaux brutes est de plus de 81 millions de francs burundais. Le projet de budget de l'État exercice 2018 sera financé par les recettes intérieures à hauteur de 81% et le déficit de ce projet budgétaire exercice 2018 est estimé à plus de 163 milliards de francs burundais. Merci Mireille pour tous ces détails. Et le journal continue vers Lumonge. Les pêcheurs de cette province considèrent trop exagérées certaines dispositions de la nouvelle loi sur la pêche au Burundi. Ils parlent notamment de la valeur au permis de pêche. Ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette loi trouvent plutôt que tout tourne en faveur du pêcheur. Jean-Pierre Misago. Dans son exposé de ce lundi aux patrons pêcheurs, aux pêcheurs et aux commerçants de poissons de la plage de Lumonge, Evariste Rumbete, conseiller au département des eaux, pêche et aquaculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage, a signifié que désormais le permis de pêche passe de 500 francs burundais à 300 000 francs burundais par an pour une unité de pêche appelée communément Apollo. Pour Philippe Kaboura, un patron pêcheur, cette valeur a été exagérément revue à la hausse. Il indique qu'un patron pêcheur peut passer 6 à 7 mois sans réaliser un bénéfice de 10 000 francs burundais. Il voudrait que ce prix soit révisé ou tout au moins permettre que les patrons pêcheurs le paient en 3 tranches. Pour Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi et qui a participé dans l'élaboration de cette nouvelle loi sur la pêche au Burundi, la valeur du permis de pêche n'est pas du tout exorbitante. Il explique quel est le résultat de longues négociations avec le gouvernement qui la voudrait à 1 300 000 francs burundais par an et pour l'unité de pêche appelée Apollo et elle a été fixée par référence à celle prévalant dans les autres pays qui se partagent le lac Tanganyika. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago pour cette correspondance. Le ministre de la Justice indique que le projet de loi portant insolvabilité du commerçant apporte des avancées pour lever des irrégularités qui seront marquées dans l'ancienne loi. Aimé Laurentine Kanyana l'a dit ce mardi devant le Sénat qui analysait ce projet de loi. Il a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements. Gertrude Maouinayo y était. Voici son reportage. Dans l'exposé des motifs, la ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, dit que l'intérêt du projet de loi portant insolvabilité du commerçant vient faciliter la tâche au tribunal du commerce. La nouvelle loi vient en outre combler les lacunes qui s'observent dans l'ancienne loi, mais aussi cette loi conformise les lois burundaises avec celles de la communauté est-africaine, surtout en ce qui concerne le marché commun. Différentes interventions des sénateurs ont revenu sur le camp des sociétés qui ont été radiées au registre du commerce où, à partir du 8 décembre 2011 jusqu'au 28 décembre 2016, le tribunal du commerce a radié au registre du commerce 173 commerçants et à partir du 4 janvier au 1er décembre 2017, 644 commerçants ont été radiés de ce registre. Concernant le décalage entre ces chiffres, la ministre Aimé Laurentine Kanyana a répondu que c'est un signe que les commerçants burundais comprennent actuellement l'importance du paiement des taxes, ce qui fait que lorsqu'ils constatent que leurs entreprises n'évoluent pas, ils vont directement le signaler au tribunal du commerce. Après quelques amendements, le projet de loi portant insolvabilité des commerçants a été adopté à l'unanimité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons sport à présent. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football qui participe dans le tournoi de la CECAFA édition 2017 qui se déroule au Kenya se dit satisfait du résultat de 0-0 à l'issue du match de ce lundi contre la sélection ougandaise. L'entraîneur Alain-Olivier Niungeko indique qu'à présent, point décroché ce lundi, son équipe compte remporter le match de ce jeudi contre l'Éthiopie. On l'écoute. Et le sentiment que j'ai pour le match d'hier, c'est un sentiment vraiment de satisfaction et à voir comment mes joueurs se sont comportés sur le terrain, l'engagement qu'ils ont montré sur le terrain, le vouloir qu'ils ont montré. Je pense vraiment qu'ils sont maintenant des joueurs professionnels qui savent le travail. Et c'est plus cela qu'on a fait ce résultat. On a eu des occasions. Ils ont eu des occasions. C'est un match de football. On s'est battu parce que, comme vous avez savé, ce sont des joueurs physiques. Mais on a imposé aussi le physique, on a joué sa zone, et à la fin, on a terminé le match par 0-0. Et je pense que c'est le premier match, c'est pas mal. Vous êtes satisfait par un seul point que vous avez décroché hier. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour gagner le match contre l'Éthiopie ce jeudi? On va travailler, on va continuer à travailler, c'est pas fini. On travaille, c'est notre travail. Je pense que la préparation qu'on a fait contre l'Ouganda, ça va être un peu différent contre l'Éthiopie. Mais l'engagement qu'on va mettre sur le terrain, ça sera le même. On va s'engager, on va faire tout pour gagner ce match. C'est pas la première fois qu'on joue avec l'Éthiopie. Et c'est pour cela que je dis, l'engagement sera au top. On a vu que les joueurs burundais se sont beaucoup donnés hier lors du match contre l'Ouganda. Est-ce qu'ils vont bon train? Oui, pour le moment, on vient de faire l'entraînement, le décrochage de l'avant-midi à partir de 10h. J'ai vu, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit que j'ai mal ici. L'entraîneur Alain-Olivier Niungeko dément les informations selon lesquelles l'attaquant Fiston Abdulazak ne serait pas avec les autres joueurs depuis hier soir. Il indique cependant que ce professionnel est en route vers l'Angola où il va signer son contrat avec une formation angolaise et compte retourner au Kenya vendredi de la semaine en cours. Et à ceux-là qui pensent que manquer Fiston Abdulazak dans la ligne d'attaque lors du match contre l'Éthiopie, ce serait une perte énorme, le coach Désinamba tranquillise. Alain-Olivier Niungeko indique qu'il y a d'autres attaquants qui puissent remplacer valablement Fiston Abdulazak. Grève ce lundi des élèves du lycée communal de Mouhazi en commune Nyabitsinda de la province Luigi. Ces élèves se révoltent contre le début tardif des examens du premier trimestre et le paiement des frais de vacataria par les élèves. À la direction provinciale de l'enseignement, l'on indique que cette grève des élèves a été faite sous d'autres mobiles que celle avouée, raison pour laquelle certains élèves et enseignants ont été arrêtés pour question d'enquête. Jean-Claude Chimilimana. La demande de révision de l'horaire des examens du premier trimestre et le rejet d'une décision qui exige les élèves de payer les frais de vacatariat, deux des sont certains des écrits qui se trouvaient sur les calicots tenus ce lundi matin par les élèves du lycée communal Mouroise en commune Nyabitinda de la province Ruigi. Au lieu d'entrer dans les salles de classe, ces élèves ont emprunté la route qui mène au chef-lieu de la commune Nyabitinda. Mais ils ont été par après dispersés à coups de bâton à environ 1 km de l'école par des policiers qui ont même fait recours au tir en air, selon des informations recueillies dans la localité. Certains de ces élèves disent que la direction a décidé que les examens du premier trimestre seront faits à partir du 11 jusqu'au 22 décembre courant, une période jugée trop courte par les élèves qui estiment qu'ils n'auront pas suffisamment de temps pour la révision des matières des cours qui seront présentées à plusieurs par jour. Selon leur dire, la réclamation introduite par ces élèves pour que les examens commencent en cette semaine comme aux autres établissements scolaires a été vaine. En plus de ça, ils disent que la direction de l'école a unilatéralement décidé que chaque élève payera 4200 francs à partir du deuxième trimestre, une somme destinée au paiement des professeurs vacataires, une décision qu'ils jugent injuste en disant que tous les frais exigés en plus de 7000 francs de Minerval pour les élèves externes sont interdits par une ordonnance ministérielle, sauf les frais de construction qui, eux aussi, sont soumis au consensus entre la direction des écoles et les parents. Nous avons voulu avoir des éclairages auprès du directeur du dit établissement scolaire, mais il a préféré ne pas s'exprimer. Le conseiller chargé des ressources humaines à la DPI Ruigi qui s'est rendu sur le lieu dit que les revendications formulées par ces élèves n'ont aucun rapport avec ce qu'ils ont fait. Pour lui, cette grève a nécessairement d'autres mobiles inavoués et précise que même certains enseignants seraient derrière ces élèves. Vous saurez que élèves, dont 7 délégués de classe et 7 enseignants ont été arrêtés ce lundi même et retenus au cachot du commissariat de police à Ruigi. Jean-Claude Chimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude pour ces précisions. Je vous l'avais dit au début de ce journal, le facilitateur dans le dialogue interburundais Arusha demande aux participants de s'entendre sur un document à signer vendredi, quelle que soit son appellation. Benjamin Mkapa se dit choqué du fait qu'aucune plénière n'a pu être tenue par les participants eux-mêmes pendant une période de 8 jours. Il s'est exprimé dans une plénière qui s'est tenue ce vendredi, cet avant-midi, mais l'élément n'est pas disponible. Nous allons y revenir dans nos éditions ultérieures. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi, nous revenons sur le goitre correspondant à l'augmentation visible et palpable de la glande thyroïde. Il s'agit d'une affection qui touche plus de femmes que des hommes, selon le docteur Léonard Vivard-Goumier, spécialiste en otorhinolaryngologie. Dans la majorité des cas, le goitre est traité soit médicalement, soit chirurgicalement et les résultats sont positifs. Les détails, c'est avec Francine Ndirokoubgayo. Nous vous avons parlé dernièrement du goitre, qui est une augmentation du volume de la glande thyroïde située à la base du cou. Le docteur Léonard Vivard-Goumier, spécialiste en otorhinolaryngologie, fait savoir que les difficultés respiratoires sont parmi les principales complications du goitre. Il existe surtout des complications liées à tous les types de goitre, qui sont des complications respiratoires, des complications dues à la compression aussi, du goitre qui comprime le conduit œsophagien, et aussi par atteinte des nerfs récurrents qui servent pour la parole. Autrement, il existe un faible pourcentage de cas de goitre qui se cancérisent. Le goitre, déjà, c'est une affection qui généralement se manifeste au niveau d'une partie du corps qui n'est pas couverte, c'est au niveau du cou. Ça fait une grosseur, on va dire, qui fait perdre l'élégance au cou. Le gonflement au niveau du cou permet de suspecter le goitre, mais des examens médicaux s'avèrent nécessaires pour confirmer qu'il s'agit bel et bien du goitre. C'est d'ailleurs souvent l'entourage ou la famille des gens qui remarquent en premier qu'il existe un gonflement au niveau du cou. La deuxième chose que l'on fait à l'hôpital ou chez le soignant, c'est de toucher sur cette grosseur au niveau du cou et on demande à la personne d'avaler la salive et on sentira qu'il existe effectivement une grosseur et surtout on verra qu'il y a une ascension de cette petite tuméfaction, de ce petit gonflement à la déglutition. Donc ça monte et ça descend. Et quand on a fait tout cela, il va rester de procéder à des examens complémentaires qui permettent de confirmer que c'est un goitre, de voir les dimensions du goitre, le type de goitre, en précisant les caractères. Ces examens, ça va être surtout l'échographie et des examens de laboratoire. Le traitement peut être médical ou chirurgical. Il dépend du type de goitre, selon toujours le docteur Vivara Goumier. Il existe des traitements variés, médicaux et chirurgicaux. Les traitements médicaux sont des traitements qui consistent à faire une supplémentation en hormones thyroïdiennes lorsqu'existe un hypofonctionnement ou un déficit en hormones thyroïdiennes, ou ces traitements médicaux peuvent consister en l'administration de produits qui freinent le fonctionnement de la thyroïde lorsqu'il existe une hyperthyroïdie, que la glande thyroïde sécrète beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Autrement, certaines maladies inflammatoires peuvent être traitées par des traitements, on va dire, symptomatiques, des anti-inflammatoires, parfois des antibiotiques lorsque ce sont des inflammations de la glande thyroïde dues à des infections bactériennes. Et la partie chirurgicale du traitement qui intéresse le gros des goitres, c'est un traitement qui consiste à enlever la glande thyroïde malade ou la partie malade de la glande thyroïde. Dans la majorité des cas de goitre, le patient n'a rien fait qui puisse provoquer la maladie, donc il ne peut pas le prévenir. Mais le docteur Vivara Goumier conseille aux gens de surveiller leur alimentation. Merci Francine Dokougaïo pour cette chronique. C'est par elle que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.